بسم الله الرحمن الرحيم. سنخوض اليوم بعض الأسئلة وندخل في سؤال الثلاثين. السؤال الثلاثين ختم كيستيون من هذا الكتاب. سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: هناك ألفاظ مثل أرجوك أو تحياتي أو أنعم صباحا أو أنعم مساء، هل تصح هذه الألفاظ؟ Donc il faut interroger qu'il y a certaines formules comme j'espère de toi ou mes salutations ou une bonne matinée, je n'ai pas une bonne matinée ou un bon après-midi, est-ce que ces formules sont correctes? فَجَابَ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى لَا بَيْسَ أَن تَقُولَ لِفُلَانِ أَرْجُوكَ فِي شَيْءٍ تَسْتَطِيعُ وَفِي شَيْءٍ يَسْتَطِيعُ أَن يُحَقِّقَ رَجَاءَكَ بِهِ. Donc il a dit, il n'y a pas de mal à dire à quelqu'un j'espère de toi dans une chose qui soit en mesure d'accomplir. Ça, c'est parmi l'espoir, la forme d'espoir qui est permise avec la créature. وَكَذَلِكَ تَحِيَّةِ لَكَ أَوْ لَكَ مِنِّيَ تَحِيَّةِ وَمَجْبَى ذَلِكَ لِكُلِّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا. Donc dans le sens, le fait de dire à quelqu'un tu as mes salutations et ce qui y ressemble, cela est permis selon la parole d'Allah, dans le sens où il dit, et c'est mieux vous êtes salué, alors salué de la même façon, ou de meilleure façon, ou alors de la même façon. Surat An-Nisa. وكذلك أنعم صباحا وأنعم مساء لا بأس به ولكن بشرط ألا يتخذ بديلا عن السلام الشرعي. Donc le fait de dire مثلا de passer une bonne matinée, une bonne après-midi, il n'y a pas de mal, à condition que cela ne soit pas pris à la place du salam légiféré. C'est-à-dire que ça ne devienne pas une chose qui fasse que les gens ne se passent plus le salam, mais s'échangent ce genre de formule directement. Naam. Summa qala fi suwal al-wahid wa thalathin. 31e question. Su'ila al-shaykh, rahimahullah ta'ala, an ibarat lakum tahiyyatuna wa ibarat أهدي لكم تحياتي. Donc qu'en est-il des formules comme vous avez mes salutations ou je vous présente mes salutations. Donc c'est toujours dans le même bab. فأجاب رحمه الله تعالى عبارة لكم تحياتنا وأهدي لكم تحياتي ونحوهما من العبارات لا بأس بها. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالتحية من شخص إلى لآخر جائزة. Donc l'auteur, il a dit qu'il n'y a pas de mal à donner ce genre de formule pour se saluer, et cita le même verset sur la Tennisa, le verset 86 que nous avons lu précédemment. قال وأما التحية المطلقة وأما التحية المطلقة العامة فهي لله كما أن الحمد لله وشكر لله ومع هذا فيصح أن نقول حمدت فلانا على كذا وشكرته على كذا وقال الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك. Il a dit, mais par contre les tahiyat dans l'absolu, enfin le terme en arabe tahiyat qui sont dans l'absolu, elles sont pour Allah à la base, comme le hamd, la louange est pour Allah et le remerciement est pour Allah. Ça c'est le shukr mutlaq ou le hamd mutlaq. Cependant, de façon relative, cela est permis d'être attribué à la créature. Car tu peux dire, j'ai loué un tel pour telle chose, j'ai remercié un tel de telle chose. Et dans la preuve, c'est que Allah, dans le sens où il dit, et remercie-moi ainsi que pour tes parents. Surat Luqman, verset 14. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, il a dit, Man lam yashkuril nas, lam yashkurillah. Man lam yashkuril nas, lam yashkurillah. Celui qui n'a pas remercié les gens n'aura pas remercié Allah. Donc le remerciement également est attribué à la créature. ثم قال في السؤال الثاني وثلاثين 32e question toujours dans le même sujet. سؤال الشيخ رحمه الله تعالى يستعمل بعض الناس عند أداء التحية عبارات عديدة منها مسك الله بخير والله بالخير وسبحك الله بالخير بدلا من لفظ التحية الوالدة فيجوز البدء بالسلام باللفظ عليك السلام. Donc il a dit, des gens utilisent différentes formules pour se saluer. Par exemple, que Allah te fasse passer un bon après-midi. Que Allah t'accorde du bien. Que Allah te fasse passer une bonne matinée. À la place, il dit cela à la place des salutation légiférée. Et est-il permis de commencer le salam en disant tout directement « Alayk al-salam » en commençant directement en disant « Alayk al-salam » فأجاب رحمه الله تعالى السلام الوالد هو أن يقول الإنسان السلام عليك أو سلام عليك ثم يقول بعد ذلك ما شاء من أنواع التحيات. Donc il a dit maintenant le salam qui est légiféré, c'est le fait de dire salam عليك ou également عليكم avec alif wa lam السلام عليك et également les permet de dire سلام عليك sans alif wa lam et كذلك عليكم. Et ensuite, il dit ce qu'il veut comme forme, de salutation. وَمَّا مَسَّاكَ اللَّهُ بِخَيْرِ وَسَبَّحَكَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ وَاللَّهُ بِالْخَيْرِ وَمَا أَشْبَحَ ذَلِكَ فَهَذَا تُقَالُ بَعْدَ السَّلَامِ الْمَشْرُوعِ وَمَا تَبْدِيلَ السَّلَامِ الْمَشْرُوعِ فَبِهَذَا فَهُوَ خَطَأ. Donc le fait de dire qu'Allah te fasse passer une bonne après-midi ou une bonne matinée ou qu'Allah t'accorde le bien, cela est permis, mais ne pas le faire avant le salam. Car cela est une erreur. وَمَا الْبَدَاءُ بِالسَّلَامِ بِاللَّفْظُ عَلَيْكَ السَّلَامِ فَهَذَا خِلَافِ مَشْرُوعٍ لِأَنَّ اللَّفْظُ لَا يَرَدْ هَذَا اللَّفْظُ يَرَدْ لَا لِلْبَدَاءُ. Et le fait de commencer par dire عَلَيْكَ السَّلَامِ en premier, cela n'est pas correct, car ce qui est demandé, c'est de dire السلام عليكم en premier, et ensuite on dit عَلَيْكَ السَّلَامِ. Donc ça c'est la réponse, et non pas le début de la salutation.